Amazing party. Le mix de Ludo le vendredi et le samedi soir sur Sorgia FM. Sorgia FM. Bonsoir à tous, c'est Ludo qui vous emmène, le mix de Ludo. Deux heures de mix non-stop, tous les week-ends, le vendredi et le samedi. Le vendredi à 21h, le samedi à 22h. Questions the Show in the Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. She's a white diving angel in disguise. She fell in love with a man, but this man won't give back her love. So this is her fright. She's a white diving angel in disguise. She fell in love with a man, but this man won't give back her love. So this is her fright. Oh, de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Straight through the night. Oh, you want this party? Oh, you want it now? Say what? Before

lovers. In the night, I'm longing for lovers. Hungry eyes are longing for lovers. All my life, I'm longing for lovers. One more time, I'm looking for lovers. Day and night, I'm looking for lovers. Disco lights are shining for lovers. Lovers. In the night. In the night. In the night. When angels cry. In the night. When love is dying. In the night. When dreams are rising. Just calling in the night when tears are falling. In the night when dreams are running out of time. The longing for the lovers. Lovers. Et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Barbra Streisand. Streisand. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi soir, 21h43. Ludo qui vous emmène encore pour un petit peu plus d'une heure et quart. Le mix de Ludo, Barbra Streisand. À l'instant, c'est Duke Sauce, Sauce Canard. Pas mal comme nom de groupe. Barbra Streisand. Le mix de Ludo, le vendredi et le samedi soir. Idéal avant de partir en boîte. émission le vendredi, une émission le samedi, comme ça pas de jaloux, pas de rediff. Et tout ça toutes les semaines. Et 2 heures de mix non-stop. fair through. Et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Watch me dance. En mi casa, hoy ya te empeño pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala. Si tú ten eso, cae más atrás que el after party allá en Punta Cana con Pile Popi. Hasta mañana bailando pilita con la mente mala. Y es que calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calle, calle. Por lo pido. tirarme un selfie, echa gasolina y rum, rum. Prende el maquinón que nos fuimos, la cuarentena se acabó y le metimos. Todo el ron y la hierba nos traímos, porque el party va serio. Así que siervo, póngase serio. Hoy sí que pa' la foto voy feo, bien borracho pa' casa yo creo. El domingo me guillo de ateo, bien arrebatado todo el tiempo jangueo. La pámpara en llama, coño, por eso mi cuerpo pide calla. Hasta mañana, calla. Hasta mañana, calla. Hasta mañana, calle, calle, calla. Hasta mañana, calla. Hasta mañana, calla. Hasta mañana, calle, calle. Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle. Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo. Potentiel pour faire quelque chose de grand. Combien de fois j'ai ressenti ce drôle de présence. de Ludo. Vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Bat like a boom. Bat like a boom. Thank you.

me, ali kolana, buso a me, au kolana. Ilo no lo sé, su amena me, ya oya me, ali kolana, buso a me, au kolana. Ilo no lo sé. Finally here, right? Well, it's Friday then, it's Saturday, Sunday. Vous l'auriez deviné, Remix et Nightcrawler. Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo, encore pour un petit peu plus d'une demi-heure. Le mix de Ludo. À suivre, un autre remix. Avec Ace of Base.

The Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Adventure of Lifetime. Ça met en articulant. Allez. Courage Ludo. Adventure of Lifetime. Voici Coldplay. Bonne soirée à vous. C'est Ludo qui vous emmène encore pour un petit peu moins de 20 minutes. Le mix de Ludo. Comme l'a dit la petite dame juste avant. Ou le monsieur, pardon. C'est le vendredi et le samedi soir. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h. Smile.

Non, pas la semaine prochaine, déjà demain, samedi. Sinon, oui, la semaine prochaine, vendredi prochain. À l'instant, Without You, c'était David Guetta et Usher. Can erase, so I'll take blame, but I can't accept that we're estranged without you. À suivre, DJ Snake et Selena Lopez. Bonne nuit. Faites attention à vous si vous sortez. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau mix de Ludo. Et demain samedi également. Le mix de Ludo. Wait up. You run, come around. You run, come around. We are the fuck out the town. Ludo in the mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM.